Intermède premier. Extrait des annonces du Times. Un ami inconnu est prié de donner, par voie d'annonce, une adresse où on puisse lui écrire. Les renseignements qu'il propose une fois reçus lui vaudront, à titre de récompense, la somme de 5 livres sterling. Intermède deuxième. Le capitaine Reig à Magdalen. Birmingham, le 2 juillet 1847. Ma chère enfant, le carton renfermant les objets de toilette que vous aviez emportés par erreur m'est parvenu sain et sauf. Vous pouvez le considérer désormais, et jusqu'à nouvel ordre, comme étant sous ma protection spéciale. Je saisis cette occasion pour vous assurer une fois de plus de mon inaltérable fidélité à vos intérêts. Sans essayer de m'introduire indiscrètement dans votre confiance, pourrais-je m'informer si Mr. Noel Vanstone a consenti à vous rendre justice ? J'ai bien peur qu'il n'ait refusé. Auquel cas, la main sur le cœur et très solennellement, je me déclare révolté par tant de bassesse. Pourquoi donc, chez moi, ce pressentiment que vous avez en vain fait appel à son équité ? Pourquoi ne puis-je envisager cet individu que comme un insecte nuisible ? Nous sommes totalement étrangers l'un à l'autre. Je ne connais de lui que ce que j'en ai pu apprendre dans le cours de l'enquête dont vous m'aviez chargé. La sympathie intense qui m'associe à vos intérêts donnerait-elle à mes perceptions un caractère prophétique, ou bien, pour aborder poétiquement la question, faut-il réellement croire à une vie antérieure, et Mr. Noel Vanstone m'aurait-il par hasard fait quelque insulte mortelle dans quelque autre planète, bien entendu? J'écris, comme vous voyez, ma chère Magdalen, avec cette audacieuse gaieté qui m'a toujours été familière. Mais c'est fort sérieusement que je place mes services à votre disposition. Que les conditions à faire entre nous ne vous arrêtent pas un instant. J'accepte d'avance toutes celles que vous voudrez fixer. Si vos plans actuels vous y conduisent, je suis prêt, dans votre intérêt, à insérer Mr. Noel Vanstone dans un étau jusqu'à ce que l'or lui sorte par tous les pores. Pardonnez-moi cette métaphore et tout ce qu'elle a de grossier. Mon désir de vous être utile s'exprime en toute hâte. J'en dépose le sens à vos pieds, sous sa forme brute, et je laisse à votre bon goût le soin de l'embellir par les ornements les mieux choisis du langage britannique. Comment va, ma pauvre femme? Je crains bien qu'il ne vous soit impossible de lui faire porter ses souliers convenablement, ou de mettre son extérieur en harmonie avec les conditions éternelles de la symétrie et de l'ordre. N'aurait-elle point essayé, par hasard, de se trop familiariser avec vous? Je n'ai jamais manqué à cet égard de la tenir en respect. Jamais il ne lui a été permis de m'appeler autrement que « capitaine », et dans les rares occasions où, depuis notre imminée, les circonstances ont pu l'obliger à communiquer par lettre avec moi, je l'ai strictement réduite à cette forme cérémonieuse qui débute par « mon cher monsieur ». Accueillez ces insignifiants détails de notre vie domestique comme pouvant vous suggérer d'utiles directions pour vos rapports avec Mrs. Reig, et veuillez me croire, avec le plus vif désir d'avoir bientôt de vos nouvelles, votre tout dévoué Horatio Reig. Intermède troisième, Nora Vanstone à Magdalen. Lettre renvoyée avec les deux qui suivent du bureau de poste de Birmingham. Westmoreland House, Kensington, 1er juillet. Ma bien chère Magdalen, la première fois que vous m'écrirez, et que ce soit bientôt, je vous en prie, adressez à Miss Garth la lettre qui me sera destinée. J'ai quitté ma place, et il pourrait bien s'écouler quelque temps avant que j'en retrouve une autre. Maintenant que tout est fini, je peux bien vous avouer, sœur chérie, que je n'étais pas heureuse. J'ai fait tout mon possible pour gagner l'affection des deux petites filles qui m'étaient confiées, mais elles semblaient, sans que je puisse dire pourquoi, m'avoir tout d'abord prise en déplaisance. Leur mère ne m'a donné aucun sujet de plainte, mais leur grand-mère, qui en réalité menait toute la maison, m'a rendu la vie très dure. Mon inexpérience dans l'enseignement était pour elle un éternel sujet de critique, et on n'attribuait jamais qu'à moi les difficultés que je rencontrais dans le caractère des enfants. Je vous dis ceci pour que vous ne supposiez point que je regrette d'avoir perdu cet emploi. Bien loin de là, chère sœur. Je suis au contraire enchanté d'en être quitte. J'ai, Magdalen, quelques petites économies. et je les consacrerai bien volontiers à passer 8 ou 10 jours auprès de vous. J'ai soif de revoir ma sœur. Mes oreilles sont lasses de ne plus entendre sa voix. Il ne me faut qu'un mot de vous, m'apprenant où nous pourrions nous rencontrer. Pensez à ceci, je vous en prie, pensez-y. Ne supposez pas que ce premier échec m'ait découragé. Il y a dans ce monde force braves gens, et je tomberai peut-être la première fois sur quelques-uns d'entre eux. Le chemin du bonheur est souvent difficile à trouver, et plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Du moins, je serais tenté de le croire. Mais avec de patients efforts et en y persistant assez longtemps, nous devons l'atteindre à la fin, dans le ciel, sinon sur la terre. Ce chemin est pour moi maintenant celui qui me ramènerait auprès de vous. Ne l'oubliez pas, sœur bien-aimée, la première fois que vous songerez à Nora. Intermède 4e, Miss Garth à Magdalen, Westmoreland House, 1er juillet. Ma chère Magdalen, que la vue de mon écriture ne vous donne pas à craindre d'inutiles remontrances. Ma lettre n'a d'autre objet que de vous faire connaître un détail dont votre sœur, je le sais, ne consentirait jamais à vous parler. Elle ignore absolument que je vous écris. Laissez-la continuer à l'ignorer, si vous voulez lui épargner des anxiétés inutiles et à moi d'inutiles chagrins. La lettre de Nora, sans nul doute, vous apprend qu'elle a quitté sa place. Je remplis un bien pénible devoir en ajoutant qu'elle l'a quitté à cause de vous. Voici comment les choses se sont passées. Messieurs Wyatt, Pendrill et Gwilt sont les avocats du gentleman dans la famille duquel Nora était employée. Le genre de vie que vous avez adopté était connu dès le mois de décembre dernier aux 3 associés que je viens de nommer. La personne chargée de vous retrouver à York, vous avez découverte donnant à Derby des représentations au public. Et Mr. Wyatt n'a pu déguiser cette circonstance au patron de Nora lorsque ce gentleman, il y a quelques jours, lui a posé sur votre compte des questions directes. Sa femme et sa mère, cette dernière habite avec lui, lui avaient expressément demandé de prendre ses renseignements, leurs soupçons étant éveillés par les réponses évasives de Nora toutes les fois qu'on la questionnait à propos de sa sœur. Vous connaissez trop bien Nora pour lui imputer à blâme l'attitude qu'elle gardait. La vie que vous menez à présent ne lui laissait pas d'autre alternative pour se soustraire à la nécessité de mentir. Ce jour-là même, la mère et la grand-mère des élèves de votre sœur l'amendèrent devant elle et lui dirent qu'elle, vous savez, errante de ville en ville, sous un faux nom, et donnant des représentations publiques. Trop équitable pour blâmer Nora de ceci, elle l'était assez pour reconnaître que son irréprochable conduite avait complètement racheté les promesses que je leur avais faites en la leur donnant. Mais en même temps, elle mettait positivement pour condition à son maintien auprès d'elle que jamais elle ne vous permettrait de la venir voir dans leur maison, ou même de la venir rejoindre à la promenade quand elle sortirait avec les enfants. Votre sœur, patiente et résignée tant que leur dureté ne concernait qu'elle, ressentit vivement l'outrage qui vous était fait. Elle donna congé, sur le moment, aux personnes qui l'employaient. D'assez aigres paroles furent échangées et le soir même, elle quitta la maison. Je n'entends pas vous affliger, en vous présentant comme un désastre la perte de cette position. Nora n'y était point aussi heureuse que je l'avais espéré et souhaité. Je n'avais pu m'assurer d'avance que les enfants étaient boudeux et d'un caractère intraitable, ou que la mère du mari était habituée à faire peser sa tyrannie sur tous les membres de la famille. Me voici toute prête à convenir qu'il n'est point fâcheux pour Nora d'avoir quitté ces gens-là. Mais le mal n'est pas circonscrit dans ce qui vient de se passer. Vous comprenez comme moi que ce qui est arrivé hier peut se reproduire demain. Votre façon de vivre, si pure que puisse être votre conduite, et je vous rends la justice de croire que cette conduite est à l'abri de toute souillure, votre façon de vivre est de celle que tous les gens respectables ont en suspicion. J'ai vécu ici-bas assez longtemps pour savoir que chez 9 Anglais sur 10, le sentiment du convenable ne permet point de concession et demeure inaccessible à toute pitié. Les personnes chez qui Nora sera ultérieurement placée peuvent elles aussi découvrir ce que vous êtes, et la position que Nora sera forcée de quitter pourrait être de celle que nous ne saurions jamais lui rendre. Je vous laisse réfléchir à tout ceci, Ne croyez pas, mon enfant, que je sois endurci à votre égard. J'ai seulement le vif désir d'assurer à votre sœur une existence paisible. Si vous pouviez oublier le passé, Magdalène, et si vous pouviez revenir à nous, fiez-vous à votre vieille institutrice pour l'oublier elle aussi, et pour vous offrir l'asile que vos parents lui donnèrent autrefois. Votre amie, cher enfant, et pour toujours, Harriet Garth. Intermède 5e, Francis Clare, le fils, à Magdalène, Shanghai, Chine, le 23 avril 1847. Ma chère Magdalène, j'ai tardé à vous répondre par suite de mon pénible état d'esprit qui m'empêchait de vous écrire. Je ne suis guère mieux disposé, mais je sens que je ne dois pas ajourner plus longtemps. Le sentiment de l'honneur me donnera des forces, et j'affronte la souffrance que j'éprouverai en traçant ces lignes. Mon avenir en Chine est absolument compromis. La maison de commerce à laquelle on m'avait brutalement consigné, comme on eût fait d'un ballot de marchandises, a épuisé ma patience par une série de mesquines insultes, et je me suis vu forcé, par égard pour ma dignité, à refuser des services qu'on avait méconnus dès le principe. Rentrer en Angleterre dans de pareilles circonstances n'est point une idée à laquelle on doive s'arrêter. Même si je le pouvais, j'ai subi dans ma patrie des traitements trop cruels pour y vouloir revenir de longtemps. J'ai donc le projet de prendre service, comme employé de commerce, à bord d'un bâtiment de la marine marchande qui trafique en ces parages, et d'y faire à moi tout seul mon chemin, si cela n'est pas impossible. Je ne saurais dire comment aboutira cette détermination, ni ce qui va m'arriver maintenant. Peu importe ce que je deviendrai, je ne suis qu'un exilé, un vagabond, et cela par la faute d'autrui. Le désir inhumain qu'on avait chez nous de se débarrasser de moi, ce désir est maintenant réalisé. On s'est débarrassé de moi pour tout de bon. Il ne me reste plus qu'un sacrifice à faire, celui des plus chers sentiments de mon cœur. N'ayant plus d'avenir ouvert devant moi, n'ayant plus chance de rentrer au sein de ma famille, comment pourrais-je conserver l'espoir de remplir mes engagements envers vous? Un homme plus égoïste que je ne le suis vous tiendra lié à cet engagement. Un autre, moins prévoyant, vous ferait peut-être attendre pendant des années et en définitive sans aucun résultat. Si cruellement qu'on les ait foulés aux pieds, mes sentiments sont restés trop délicats pour me permettre d'agir ainsi. Je vous l'écris les yeux pleins de larmes. Vous ne devez pas lier votre destinée à celle d'un malheureux proscrit. Ces lignes qui brisent son cœur vous dégagent de votre promesse. Notre mutuel engagement est désormais rompu. La seule consolation qui me soutienne, en vous adressant ainsi mes adieux, c'est que ni l'un ni l'autre de nous n'est à blâmer. Vous avez peut-être agi avec quelque faiblesse en vous soumettant à l'influence de mon père. Mais j'en suis certain, vous avez cru adopter la meilleure ligne de conduite. Personne ne devinait les fatales conséquences qu'aurait mon expulsion d'Angleterre. Personne, si ce n'est moi. Et on n'a pas voulu m'écouter. J'ai cédé à mon père, je vous ai cédé. Voilà ce qui en résulte. Je souffre trop pour en écrire plus long. Puissiez-vous ne jamais savoir ce que m'a coûté cette renonciation à nos mutuelles promesses. Je vous prie au surplus de ne vous faire à ce sujet aucune espèce de reproche. Ce n'est pas votre faute si l'on a imprimé une mauvaise direction à toutes mes facultés. Ce n'est pas votre faute si je n'ai jamais été mis à même de prospérer dans ma carrière. Oubliez le malheureux abandonné qui exhale, pour votre bonheur, les prières les mieux senties et qui, à titre d'ami, souhaitera toujours que tout vous réussisse. Francis Clare. Intermède 6e, Francis Clare, le père, à Magdalène. Servant d'enveloppe à la précédente. J'ai toujours dit à votre pauvre père que mon fils était un imbécile. Mais jusqu'à l'arrivée de ce courrier de Chine, je ne m'étais jamais douté que ce fût un drôle. J'ai toute raison de penser qu'il a quitté ses patrons dans les circonstances les moins honorables. Rayez-le désormais de vos souvenirs, comme je l'efface des miens. La dernière fois que nous nous sommes vus, vous vous êtes admirablement conduite vis-à-vis de moi relativement à cette affaire. Tout ce que je puis vous dire pour vous en rendre grâce, je vous le dis aujourd'hui. Ma pauvre enfant, vous me faites bien de la peine. F. C. Intermède 7e, Mrs. Rigg à son mari. « Cher monsieur, pour l'amour de Dieu, venez ici à notre aide. Elle a reçu une affreuse lettre de je ne sais qui hier, mais elle l'a lue dans son lit et en lui portant son déjeuner que je l'ai trouvée morte. Et si le docteur n'avait pas été à deux portes d'ici, personne n'aurait pu la ressusciter, mais la voilà sur son séant avec une physionomie terrible, ne disant rien, et ses yeux me font une telle peur que je tremble de la tête aux pieds. Oh, venez bien vite, je vous en prie. » J'entretiens tout aussi proprement que je puis, car je l'aime tant elle est si bonne pour moi, et notre hôte a peur, dit-elle, qu'elle ne se fasse mourir. Je voudrais écrire plus droit, mais je tremble si fort que votre respectueuse femme, Mathilda Rigg, excusez mes fautes, et je vous prie à genoux de nous venir en aide. Le docteur, ce brave homme, veut joindre ici quelques lignes de peur que vous me puissiez lire, et reste une fois de plus votre respectueuse épouse, Mathilda Rigg. » Ajouté par le docteur. « Monsieur, je prends la liberté de vous informer que je fus appelé hier chez des voisins dans Vauxhall Walk pour y donner des soins à une jeune personne qui venait d'être prise d'un mal subi. Je l'ai retirée à grand-peine d'un évanouissement des plus tenaces et tel que je n'en avais pas encore observé. Depuis ce moment, elle n'a pas eu de rechute, mais elle a, selon toute apparence, quelques profonds chagrins qui paralysent en partie son intelligence et dont nous n'avons pu jusqu'à présent venir à bout. Elle demeure sur son séant, me dit-on, dans un silence absolu et sans rien savoir de ce qui se fait autour d'elle. Pendant plusieurs heures consécutives, ayant à la main une lettre que personne encore n'a pu lui enlever. Si cet abattement continuait au même degré, il pourrait avoir pour son état mental les plus désastreux résultats. Et j'obéis à mon devoir en indiquant comme une des nécessités de la situation l'intervention de quelques parents ou de quelque ami ayant sur elle assez d'influence pour la tirer de cet état de torpeur. Votre très obéissant, Richard Jarvis, MRCS. Intermède 8e. Nora Vanstone à Magdalen, le 5 juillet. Pour l'amour de Dieu, quelques mots seulement qui m'apprennent si vous êtes encore à Birmingham et à quelle adresse je devrais vous y chercher. Mr. Clare, le père, vient de me donner des nouvelles. Oh, Magdalen, si vous êtes impitoyable pour vous-même, prenez quelque compassion de moi. La pensée de vous savoir seul parmi des étrangers, la pensée que ce coup terrible vient de vous briser le cœur, ne me quitte pas un seul instant. Il n'est pas de mots qui puissent rendre la pitié que vous m'inspirez. Rappelez-vous, ma bien-aimée, ces temps heureux que nous passions ensemble, avant que ce misérable lâche fût parvenu à s'insinuer dans votre cœur. Rappelez-vous ces heureuses journées de Combraven, où nous n'étions jamais séparés. Oh, ne me traitez pas comme une étrangère. Nous sommes maintenant seuls au monde. Laissez-moi vous soigner, vous consoler. Que je sois pour vous, s'il se peut, plus qu'une sœur. Une ligne, une seule ligne qui m'apprenne où je pourrais vous trouver. Intermède 9e, Magdalen à Nora, le 7 juillet. Très chère Nora, votre lettre a fait pour moi tout ce que pouvait en attendre votre tendresse. Vous et vous seul avez su trouver le chemin de mon cœur. C'est après avoir lu ce que vous m'écriviez que j'ai pu recouvrer l'usage de mon intelligence et de mes sentiments. Que cette assurance calme vos anxiétés. Mon âme revit, elle aime encore. Elle était morte avant que votre chère lettre ne me fût parvenue. Le choc que j'ai subi m'a laissé dans un calme étrange. Je me sens comme séparé de l'être que je fus naguère. Et les espérances que je nourrissais autrefois avec tant d'ardeur semblent maintenant refoulées dans quelque passé lointain dont me séparent des espaces infinis. Je puis, Nora, contempler le naufrage de ma vie avec plus de calme que vous ne l'envisageriez vous-même si nous étions réunis. Déjà, le croiriez-vous, je me sens en état d'écrire à Frank. Je pense, ma chérie, qu'une femme ne peut savoir jusqu'à quel point elle s'est donnée à l'homme qu'elle aime avant que cet homme se soit mal conduit envers elle. Pourrez-vous prendre ma faiblesse en pitié, si je vous avoue que j'ai senti mon cœur se serrer, en lisant ce passage de votre lettre, où Frank est traité de misérable et de lâche? Personne, pour cela, ne saurait me mépriser autant que je me méprise moi-même. Je suis comme le chien qui vient en rampant lécher la main du maître qui l'a battu. Cela est ainsi, pourtant. Je ne l'avouerai à personne qu'à vous, mais vraiment, vraiment, cela est ainsi. Il m'a trompé et il m'abandonne. Il a tracé pour moi de cruels adieux. Pourtant, ne le traitez pas de misérable. S'il se repentait, s'il me revenait, je mourrais, je vous assure, plutôt que de l'épouser maintenant. Mais c'est un supplice pour moi que de voir ce mot de lâche écrit de votre main en regard de son nom. S'il a une volonté faible, qui donc a mis sa faiblesse à des épreuves trop fortes pour elle? Pensez-vous que tout cela fût arrivé si Michel Vanstone, nous dépouillant de ce qui était à nous, n'avait forcé Franck à me quitter pour aller en Chine? 8 jours après celui où je vous écris, l'année d'épreuve devait expirer, et j'aurais été la femme de Franck si ma dot ne m'avait pas été enlevée. Peut-être me direz-vous qu'après ce qui est arrivé, je dois me féliciter d'avoir échappé à cet hymen. Eh bien, ma chérie, je sens au fond de mon cœur je ne sais quel instinct pervers répondre que non, et qu'il eût mieux valu pour moi être la femme de Franck, même malheureuse, que la femme isolée et libre, telle que je suis à présent. Je ne lui ai point écrit. L'eussé-je voulu, il ne m'envoie pas d'adresse à laquelle je puisse lui répondre, mais cette volonté, je ne l'ai pas. J'attendrai quelque temps encore avant de lui envoyer mes adieux. Si le jour devait jamais venir où je recouvrerais la fortune que mon père autrefois lui avait promise avec ma main, savez-vous ce que j'en ferais? Je l'enverrai tout entière à Franck, comme l'unique vengeance que je veuille tirer de sa lettre, comme mon dernier adieu à l'homme qui m'abandonne. Laissez-moi vivre pour voir luire cette journée. Laissez-moi, Nora, l'espérance, la seule au fait qui me reste, que de meilleurs temps viendront pour vous. Quand je songe à votre rude existence, il me semble presque sentir encore quelques larmes au fond de mes yeux fatigués. Il me semble presque retrouver en moi la Madeleine que vous avez connue jadis. Vous ne me croirez ni endurcie ni ingrate quand je vous dirai qu'avant de nous revoir, il faut attendre encore un peu. Je veux être, pour cette rencontre, dans un autre état que mon état actuel. Je veux avoir éloigné de moi la pensée de Franck pour pouvoir vous rapprocher de moi plus encore. Sans cela, de bonnes raisons, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ne m'en demandez pas d'autre. Prenez le baiser que je viens de placer ici pour vous, à l'endroit de la feuille où ce petit cercle est tracé. Pour le moment, et jusqu'à ce que je vous écrive de nouveau, ce baiser nous réunira. Adieu, ma sœur bien-aimée. Mon cœur vous est fidèle, Nora. Mais je n'ose pas vous revoir. Magdalene. Intermède 10e. Magdalene à Miss Garth, le 15 juillet. Ma chère Miss Garth, j'ai tardé longtemps à vous répondre, mais sachant ce qui est arrivé, vous n'aurez pas manqué de me pardonner. Tout ce que j'ai à dire peut se dire sans beaucoup de paroles. Vous devez compter que désormais je ne provoquerai jamais à mettre hostile le sentiment général des convenances. J'ai assez appris du monde pour faire de lui, dorénavant, mon complice. Nora ne quittera plus à mon occasion d'autre place. J'en ai fini de livrer ma vie au public. Cette vie, Dieu le sait, n'avait rien de coupable. Le temps peut venir où je pleurerai, où vous pleurerez vous-même le jour qui m'en a séparé. Mais je ne la reprendrai jamais. C'en est fait d'elle, comme de Franck, comme de toutes mes bonnes pensées, sauf toutefois celle qui me rappelle Nora. Assez parlé de moi. Pour égayer cette triste lettre, vous apprendrai-je quelques nouvelles? Mr. Michel Vanstone est mort, et Mr. Noel Vanstone lui succède comme possesseur de ma fortune et de celle qui revenait à Nora. Il est tout à fait digne de l'héritage. À la place de son père, il eut, tout comme lui, consommé notre ruine. Je ne vois plus rien à vous dire qui puisse vous intéresser. Ne vous affligez point à mon sujet. Je m'efforce de retrouver ma belle humeur. Je tâche d'oublier la pauvre jeune fille égarée, qui fut assez sotte pour s'éprendre de Franck dans ce lointain passé de Combraven. Parfois, quelque angoisse me rappelle que la jeune fille n'est pas tout à fait morte, mais cela n'arrive pas souvent. Vous avez été bien bonne, écrivant à une pauvre créature comme moi, de signer « Votre ami à toujours ».« Toujours » est une parole téméraire, ma chère et bonne institutrice. Je me demande s'il ne vous arrivera jamais de la vouloir reprendre. En supposant que cela soit, il n'en résultera aucun changement dans cette reconnaissance que je ne saurais cesser de vous garder, en songeant aux peines que vous avez prises pour moi quand j'étais toute petite fille. Je les ai certes bien mal payées. J'ai bien mal récompensé les bontés dont vous m'avez comblé plus tard. Je sollicite votre pardon et votre pitié. Mais en somme, ce qu'il y aurait de mieux pour vous et pour moi, ce serait de m'oublier complètement. Votre affectionnée, Magdalene. P.S. Je brise le cachet pour ajouter une ligne. Au nom du ciel, ne montrez pas cette lettre à Nora. Intermède 11e, Magdalene au Capitaine Raig, Vauxhall Walk, le 17 juillet. Si je ne me trompe, il était convenu que je vous écrirais à Birmingham dès que je me sentirais assez calmé pour songer à l'avenir. Ce moment est enfin venu, et je puis maintenant accepter les services que vous m'avez si obligeamment offerts. Je dois vous prier au préalable d'excuser l'accueil que je vous ai fait en cette maison quand vous êtes venu en apprenant que j'y étais subitement tombé malade. J'étais absolument hors d'état de me gouverner moi-même. Je subissais une agonie mentale qui, provisoirement, m'avait enlevé toute espèce de bon sens. Je ne remplis que le devoir le plus strict, en vous remerciant aujourd'hui de m'avoir traité alors avec une indulgence que, vu l'occasion, je pourrais qualifier de clémente. Je vais maintenant, aussi brièvement, aussi simplement que je pourrais, vous dire ce que j'attends de vous. Je vous demanderai en premier lieu de vendre, aussi secrètement que possible, tous les objets de toilette qui servaient au divertissement dramatique. J'en ai fini pour toujours avec nos représentations, et je veux m'affranchir de tout ce qui pourrait, dans l'avenir, m'identifier accidentellement à elle. La clé de ma caisse est si incluse. Vous voudrez bien adresser ici l'autre mal qui renferme mes toilettes de ville. Je ne vous demande pas de l'apporter vous-même, parce que j'ai à vous confier une mission plus essentielle. Me référant au billet qu'en partant vous avez laissé pour moi, je dois en conclure que vous avez pu, à l'heure qu'il est, suivre à la piste Mr. Noel Vanstone depuis Vauxhall Walk jusqu'à sa résidence actuelle. Si vous avez réellement fait cette découverte, et si vous êtes bien certain de n'avoir attiré l'attention ni de Miss LeCount ni de son maître, je désire que vous preniez immédiatement les arrangements nécessaires pour que je puisse m'établir, avec vous et Mrs. Raig, dans la ville ou le village que Mr. Noel Vanstone a choisi pour résidence. À peine est-il besoin de vous dire que je le suppose établi, pour un peu de temps, là où il habite présentement. Dans le cas où vous trouveriez à louer pour moi, dans les conditions que je viens de dire, une petite maison meublée que l'on puisse prendre au mois, arrêtez-la tout d'abord pour un premier terme mensuel. Dites que c'est pour votre femme, votre nièce et vous. Et prenez tel faux nom qu'il vous plaira, pourvu que ce nom puisse défier l'enquête la plus rigoureuse. J'abandonne ceci à votre expérience dans ces matières. Le secret de nos individualités doit être aussi strictement gardé que si nos vies en dépendaient. Je rembourserai immédiatement toutes les dépenses que vous aurez pu faire pour la réalisation de ce que je désire. Si vous trouvez, sans trop de peine, l'espèce de maison qu'il me faut, il n'est nullement besoin que vous reveniez nous prendre à Londres. Nous pouvons aller nous réunir à vous dès que nous saurons où vous trouver. Il faut une maison parfaitement convenable, et qui soit assez près de celle où réside actuellement Mr. Noel Vanstone. Vous me permettrez de ne point m'expliquer dans cette lettre sur l'objet que j'ai maintenant en vue. Il me répugne de hasarder une explication écrite. Quand tous nos préparatifs seront faits, je vous dirai de vive voix quel est mon but, et je compte, en retour, savoir de vous si vous voulez ou non me prêter l'assistance dont j'ai besoin, aux meilleures conditions que je puisse offrir. Un mot encore avant de cacheter cette lettre. Si quelque occasion se présentait pour vous, la maison une fois louée et avant que nous vous ayons rejoint, d'échanger quelques paroles de politesse soit avec Mr. Noel Vanstone, soit avec Mrs. LeCount, ne manquez pas d'en profiter. Il est très important pour l'objet que je me propose actuellement que les relations à établir entre ces gens-là et nous semble être le résultat purement accidentel d'un prochain voisinage. Je désire que vous frayiez la voie à ce résultat, si cela vous est possible, avant que j'aille vous trouver avec Mrs. Raig. Ne perdez, je vous prie, aucune occasion d'observer Mrs. LeCount, en particulier avec tout le soin possible. L'assistance que vous pourrez me prêter au début pour fermer les yeux pénétrants de cette femme sera la plus précieuse que je vous ai jamais due. Nul besoin de me répondre immédiatement, à moins que je ne me sois trompé sur ce que vous avez dû et pu faire depuis votre départ de Londres. J'ai arrêté nos logements pour une semaine encore, et je puis fort bien attendre que vous soyez à même de m'envoyer des nouvelles conformes à mes intentions. Vous devez compter à l'avenir sur ma patience, et ceci quoi qu'il arrive. Mes caprices sont finis, et mon humeur violente ne mettra plus votre indulgence à l'épreuve. Magdalene. Intermède 12e, le capitaine Reig à Magdalene, North Shingles Villa, Aldborough, Suffolk, le 22 juillet. Ma chère enfant, votre lettre m'a charmé, touché au dernier point. Vos excuses me sont allées droit au cœur, ainsi que votre confiance dans mes humbles talents. Je sens battre d'orgueil le pouls du vieux milicien, quand il songe à la confiance que vous mettez en lui, et je jure de la mériter. Que cet élan sincère ne vous surprenne point. Toutes les natures enthousiastes font explosion de temps à autre, et quand je fais explosion, moi, c'est en parole. Tout ce que vous souhaitiez me voir faire est accompli. La maison est louée, le nom est trouvé, et je suis en relation personnelle avec Mrs. LeCount. Après cet exposé général, je ne doute pas de vous intéresser en vous mettant au courant des détails qui l'expliquent. Le lendemain du jour où je vous quittais à Londres, je suivis Mr. Noel Vanstone jusqu'à ce curieux petit abri maritime. Une des innombrables emplettes de son père a été une maison d'Aldborough, établissement de bains dont la prospérité s'annonçait, sans quoi Michel Vanstone ne lui eût pas consacré un denier. Dans la maison dont je parle, le misérable petit avare qui habitait à Londres un appartement gratuit se trouve maintenant logé aux mêmes conditions sur la côte du Suffolk. Il doit y séjourner durant la saison d'été et celle d'automne. Et vous n'avez qu'à venir me rejoindre avec Mrs. Reig pour vous trouver établi dans cet élégant chalet à 5 portes de son domicile. J'ai obtenu toute la maison pour 3 guinées par semaine, avec le droit d'y rester au même prix, si je veux, pendant tout l'automne. Dans un établissement de bains plus fashionable, une résidence de cet ordre, payée le double, eût encore été bon marché. Notre nouveau nom a été choisi conformément à vos suggestions. Mes registres, j'espère bien que vous n'avez pas oublié mes registres, renferment, sous la rubrique de « pose à revêtir », une liste d'individus disparus pour jamais de cette vie éphémère, et dont je connais à fond les noms, apparentage, fortune, relations, etc. À d'autres époques de ma vie, dans le délicat exercice de ma profession, j'ai déjà été forcé de revêtir quelques-unes de ces peaux. D'autres sont encore à l'état d'habits neufs, et il reste à les essayer. Celle qui me semble devoir nous aller le mieux habillait originellement les membres d'une famille portant le nom de Bygrave. Je suis, à l'instant où je vous parle, dans la peau de Mr. Bygrave. Elle me va comme un gant. Si vous voulez me faire le plaisir de vous glisser dans celle de Miss Bygrave, avec Susan pour nom de baptême, et si ensuite vous introduisez Mrs. Reig, de quelque façon que ce soit, et la tête la première si cela vous convient, sous celle de Mrs. Bygrave, nom de baptême Julia, la transformation sera complète. Laissez-moi vous informer que je suis votre oncle du côté paternel. Mon digne frère était, il y a 20 ans, établi à Belize, dans le Honduras, où il faisait le commerce de l'acajou et du bois de Campeche. Il y est mort et il est enterré au sud-ouest du cimetière de la localité, sous un joli monument de bois indigène, sculpté par un artiste nègre, véritable fils de ses œuvres. 19 mois après, sa femme mourut d'apoplexie à Cheltenham, où elle tenait une table d'hôte. Elle passait pour la femme la plus corpulente d'Angleterre et occupait le rez-de-chaussée de la maison par suite de la difficulté qu'elle éprouvait à monter ou descendre les escaliers. Vous êtes son enfant unique. Vous m'avez été confié depuis le triste événement de Cheltenham. Vous aurez 20 ans le 2 août prochain. Et corpulence à part, vous êtes le portrait vivant de votre mère. Je vous ennuie avec ces échantillons de science intime en ce qui touche votre nouvelle peau de famille, pour vous rassurer au sujet des inquisitions futures. Fiez-vous à moi, et à mes registres pour tenir tête à toutes les recherches qu'on pourra faire. En attendant, écrivez votre nouveau nom avec votre nouvelle adresse et voyons ce que vous en dites. Monsieur Bygrave, Mrs. Bygrave, Miss Bygrave, North Shingles Villa, Aldborough. Sur ma parole, cela fait très bien. Les derniers détails dont j'ai à vous entretenir se rapportent à mes relations déjà établies avec Mrs. LeCount. Nous nous rencontrâmes hier chez l'unique épicier de l'endroit. Les oreilles au guet, comme toujours, je constatais que Mrs. LeCount désirait une sorte de thé, tout à fait spécial, que cet homme n'avait point, et qu'on ne pourrait pas se procurer, pensait-il, à moins de l'aller chercher jusqu'à Ipswich. Je vis jour, tout aussitôt, un commencement de connaissance, moyennant l'effet très minime d'un petit voyage dans cette florissante cité. « J'ai justement affaire à Ipswich aujourd'hui même, » m'hâtais-je de dire, « et je me propose de rentrer ce soir à Aldborough, si le temps ne me fait pas défaut. Laissez-moi, je vous prie, me charger de votre achat de thé. Je le rapporterai avec mes bagages. » Mrs. LeCount refusa poliment de me donner cette peine. J'insistai non moins poliment pour vaincre ses scrupules. Nous entrâmes en conversation. Je ne vous ennuierai pas des propos échangés de part et d'autre. Tout ce que j'en ai gardé, c'est que le côté faible de Mrs. LeCount, si toutefois elle en a un, serait un goût pour la science que son défunt mari, le professeur, paraît lui avoir légué. Il me semble que j'entrevois là une chance de me frayer le chemin de ses bonnes grâces et de jeter utilement quelque peu de poudre à ses beaux yeux noirs qu'elle a. D'après cette donnée, en achetant à Ipswich le thé de la dame, j'ai aussi fait emplette pour mon propre compte de cette fameuse encyclopédie de poche, les dialogues scientifiques de Joyce. Possédant une prompte mémoire et une confiance illimitée en moi-même, je me propose de gonfler secrètement ma nouvelle peau avec tout le savoir d'emprunt que j'y pourrais faire entrer. J'offrirai ensuite Mr. Bygrave à l'estime de Mrs. LeCount dans le rôle de l'homme le plus profondément instruit qu'elle ait rencontré depuis le trépas de l'illustre professeur. La nécessité de fermer les yeux à cette femme est aussi évidente pour moi qu'elle peut l'être pour vous. Si cela peut se faire par le moyen dont je parle, vivez désormais en paix. Raig, doublé de Joyce, est justement l'homme qu'il faut. Vous avez maintenant tout mon budget de nouvelles. Suis-je ou non digne de votre confiance en moi? Je ne dis rien de l'ardeur avec laquelle j'attends les informations que vous me promettez sur vos projets. Cette ardeur devant être satisfaite quand nous nous retrouverons. Jamais encore, ma chère enfant, je n'ai désiré soumettre une créature humaine à une haute pression financière, aussi vivement que je le désire aujourd'hui, en ce qui concerne Mr. Noel Vanstone. Je n'en dis pas davantage. Verbum sap. Excusez la pédanterie de cette citation latine et daignez me croire. Absolument à vous, Horatio Raig. P.S. J'attends mes instructions ainsi que vous me l'avez demandé. Dites-moi seulement si je dois retourner à Londres pour vous ramener ici, ou si je dois vous attendre ici pour vous y recevoir. La maison est en bon ordre. Le temps est admirable. La mer est unie comme le tablier de Mrs. LeCount. Elle vient de passer devant la fenêtre et nous avons échangé un salut. Elle est bien fine, ma chère Magdalene, mais Joyce et moi, réunis, nous pourrions bien nous trouver un peu trop forts pour elle. Intermède 13e, extrait de Lists of Folk Argus. Aldborough. Nous constatons avec plaisir que l'arrivée des baigneurs se montre plus précoce qu'à l'ordinaire, pour la présente saison, dans cet établissement si parfaitement sain, et d'un renom déjà si étendu. Esto perpetua, c'est le plus cher de nos vœux. Liste des baigneurs. Arrivée depuis notre dernier numéro, North Shingles Villa, Mrs. Bygrave, Miss Bygrave.